bâtir leur tour. Ton argent est parti avec le petit Rorty. T'as volé son pays, il taxe ta vie facile. Il allonge tes filles et tire dans le métro. Oh voleur, a crié un petit con. On a volé l'argent de son week-end en boîte. 4 fois 100 francs qui sortaient de sa poche. Ça lui apprendra à prendre des airs de riche. France Fanon à la passe. France Fanon à la passe. France Fanon à la passe. France Fanon à la passe. Qui a fini par tuer le petit Rorty? Qui a jeté son corps dans le lit de la Seine? Pourquoi l'as-tu tué, monsieur le contrôleur? C'était un felaga, menace pour l'OAS. OAS. Réveille-toi, tu dors depuis 1963. On compte sur toi, on compte sur toi, on compte sur toi, on compte sur toi, on compte sur toi, on compte sur toi, on compte sur toi, on compte sur toi. C'était un felaga, menace pour l'OAS. C'était un felaga, menace pour l'OAS.